Mainga sambila nzambio. Thank you. Le la monnaie. ba chéri Ethiopie tokende Djibouti tokende Burundi tokende Kenya tokende Ouagadougou tokende Zimbabwe tokende Tanzania tokende Gambia tokende Congo tokende Gabon tokende Cameroun tokende Israël tokende Algérie tonana Maroc tokende Horloge va marcher Poya tokende Thank you. te bango se ba jaloux. Mwana to boti na kombo ya Samantha, na bolingo, bolingo se ya yawe. Nga na Paris na koma peko ya na ya na chanti, na la vie na koma se ko belela. Près du cœur, ma chérie, yangana yo, bolingo se nzambe. Oh chantier, mon âme, ma Charlotte, moi c'est aimé de qui? Thank you. ma paix. Tu parles mal à la femme que j'aime. Tous les jours j'ai des comptes rendus. Jean-Baptiste Yo, Nana Bonanga, Nana Bangitan, Nana Salanin, Nana Depanan, Nana Finganan, Nana Betanan, Nana Depanan, Nana Salanin, Nana Depanan. Jean-Baptiste, Nana Salanin, Nana Zuanani, Nana Betanani, Nana Salama Bete. Nana pinga nani, nana depa nani, nana yiba nani. Chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chichi, ah, chich